Go back to bed, America. Your government is in control. Alors, un paradis fiscal, c'est quoi? Le capitalisme est en train de développer d'effrayantes contradictions. On a vraiment un pouvoir mondial qui est entre les mains d'une poignée de riches. Si on n'y prend pas garde, ces contradictions vont atteindre un jour un point de rupture. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Que l'économie doit être au service du reste des liens humains. C'est une rengaine que de parler de la toute-puissance de l'argent. Il est facile d'appeler rengaine la constatation obstinée d'une évidence. Oh oui, bienvenue, bonjour à tous, ici David Lemelin. Bienvenue Econophile. Ça va-tu assez bien? Ça va-tu assez bien? Une semaine. Ça a pris une semaine pour ramener les États-Unis en 1930. L'accès à l'avortement, hein? Qui de mieux placé que des fondamentalistes religieux pour décider ce qui est bon pour le corps de la femme, hein? Mesures environnementales, on s'en fâche plus avec ça. Keystone, on va de l'avant, c'est tellement nécessaire. L'Obamacare, ben vous avez vu qu'on a signé pour le mettre à mort, finalement. Réunion pour négocier avec le président mexicain, on cancelle ça. On va publier des listes de crimes commis chaque semaine par les immigrants. Hein? Il y en a qui disaient, ça me rappelle Hitler dans les années 30. Ou, en fait, on stoppe même l'immigration musulmane, sauf pour les pays où Trump fait de la business. C'est stratégique. Du beau, du bon, hein, vous voyez, l'humanité, le sens humain à son meilleur. Alors, great, great, great. Il a dit, I'm the best negotiator, the best job creator in the history of humankind. Tu sais, le top du top, là, ben, c'est ça. Juste pour faire une petite liste, parce que vous savez, l'économie, c'est une ficelle. Quand tu tires dessus, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont attachées ensemble. Alors, il parle de baisse massive d'impôts. Baisse d'impôts, ça veut dire baisse de revenus. Il veut réduire la réglementation de 75%, donc moins de surveillance, probablement coupure de poste. S'il y a moins de gens qui surveillent, s'ils n'ont rien à faire, ils ne resteront pas là. Moins de surveillance pour l'environnement, ça va probablement vouloir dire plus de pollution. Plus de pollution, probablement des problèmes de santé aussi à venir, donc plus de coûts pour la santé. Mais il dit en même temps, la sécurité des employés, la protection de l'environnement, c'est garanti. Alors, il prend l'argent où pour ça? Va falloir savoir. Il veut ramener des emplois en sol américain, relocaliser des entreprises ou de la production délocalisée. Et pourtant, bon, ben, il y a moins de revenus. Comment il va faire? C'est une bonne question. Les entreprises, une fois qu'elles sont relocalisées, ben, on dit qu'elles vont être moins compétitives, hein, parce que beaucoup font affaire avec la Chine, bien entendu. Ça change la perspective. Donc, moins compétitive. Ah bon, moins compétitive, ça veut dire probablement des licenciements à prévoir, donc hausse de chômage. Menace aussi de taxer les entreprises étrangères, donc on parle de guerre commerciale à venir. Mais il y a moins de revenus, donc il va financer les baisses d'impôts par la dette. Ah, bon, plus de dettes, plus de dépendance envers les créanciers étrangers. Baisse d'impôts pour les entreprises, ben il va probablement y avoir plus dans les paradis fiscaux, parce que c'est le réflexe souvent quand on pense que c'est temporaire. Plus d'Obamacare, bon, plus de faillites d'ailleurs, parce que la plupart des faillites aux États-Unis personnelles sont dues à des coûts de santé trop élevés. Promet de créer 25 millions d'emplois, alors qu'il y a le plein emploi. Bon, pas que des bons emplois, certes, mais on dit, est-ce qu'il va importer des travailleurs? Il prend l'argent où? La dette encore? Baisse de réglementation pour les banques et les spéculateurs. Ben là, on parle de crise, peut-être, à prévoir, comme celle qu'on avait vécue en 2008. Hein? Et tout ça, ben ça vient de celui qui dit « America first », le même gars dont les chapeaux, casquettes et chandails vendus pour son inauguration ont tous été fabriqués en Chine. Bienvenue à Econophile. Alors, vous voulez nous retrouver sur Internet, les réseaux sociaux, le blog, on est là. Allez aimer la page sur Facebook pour nous suivre, facebook.com/econophile891. Et puis, vous trouvez le blog de l'émission, hein, sous le bandeau. On voit le bouton, là, en savoir davantage. Vous cliquez et hop, vous vous retrouvez sur le blog. Vous pouvez lire des textes qui sont inspirés des livres que nous vous présentons, incluant une référence du livre en question si jamais vous vient l'idée folle de lire un livre. Et puis, vous y trouvez aussi la balado qui donne accès aux trois dernières émissions, ainsi qu'à la totalité des émissions qui sont disponibles dans la section émissions. Pour écouter ou réécouter, quand bon vous semble, vous allez voir, c'est great, great, great, the best show in the history of the world. De toute évidence, je m'amuse un peu, j'ai du plaisir et c'est un fait. J'espère que ça paraît. Et je vous souhaite encore à nouveau bienvenue à l'émission. Jean-Claude Cloutier, bonjour. Oui, bonjour David. Je me suis permis de me gâter en introduction. Je me dis, je suis moins sérieux avant que tu arrives, comme ça, toi, tu es plus sérieux. Alors, Jean-Claude, l'économiste qui m'accompagne chaque semaine, j'en suis fort heureux d'ailleurs. Cette semaine, Jean-Claude, rien de moins que la Bible du néolibéralisme, pensons-nous. En fait, on va remettre les choses en contexte quand même, mais La richesse des nations d'Adam Smith, livre que je présente comme une Bible, c'est peut-être un peu exagéré, peut-être pas tant que ça non plus. Qu'en dis-tu? Ben, je pense que c'est très vrai, dans le sens que c'est généralement reconnu comme le début de la science économique moderne. Parce que, bien sûr, dès l'époque de Platon et d'Aristote, on parlait quand même un petit peu d'économie. Mais l'économie, c'était pas très compliqué. Puis les philosophes jugeaient que ça valait pas la peine d'en parler. Au Moyen-Âge, ben, les penseurs canoniques de l'Église catholique ont parlé un peu d'économie, mais c'est surtout pour dire, n'exagérons pas. Quand on fait des prêts, faut pas demander d'intérêt. Le travail, c'est pas si important que ça. Faut penser au royaume de Dieu davantage. Alors, Adam Smith, lui, est arrivé au début de l'ère industrielle moderne. C'est vraiment celui qui était capable de présenter en un même volume, puis un volume qui se lisait quand même relativement bien, une espèce de compréhension globale de l'économie dans ses fonctions de production, de consommation, quel est le rôle du gouvernement, quel est le rôle des travailleurs de la terre, quel est le rôle des capitalistes, etc. Donc, c'est quand même une œuvre très importante. Et d'ailleurs, c'est reconnu dans différents classements, quand on a des classements qui essaient de montrer quels sont les penseurs ou les personnes qui étaient les plus influentes dans l'histoire de l'humanité. Il est quand même très, très bien classé. Il y a un classement célèbre de 1990 qui le place quelques rangs avant Napoléon, ce qui est quand même assez considérable. Ah, c'est bon pour l'orgueil. Mais donc, moi, je vous propose aujourd'hui, d'ailleurs, si vous en cherchez, parce que je sais que Jean-Claude, toi, tu me parlais de l'édition qui compte mais plusieurs centaines de pages, l'ouvrage complet, si on veut. Il y a une très belle édition chez Flammarion qui s'appelle « Les livres qui ont changé le monde ». Peut-être avez-vous déjà vu passer ça en allant à la librairie ou à la bibliothèque. Donc, Adam Smith, La richesse des nations, c'est chez Flammarion, Le Monde, cette édition qui s'appelle Les livres qui ont changé le monde. C'est tout petit, c'est quoi? C'est 200, à peine 220 pages. Ils ont retiré de cet ouvrage-là les livres qu'ils considéraient comme... On s'écarte un peu du discours, de la trame principale, donc ils ont voulu concentrer ça. Ça rend la chose lisible, facile, vraiment compréhensible. C'est là-dessus que je vais me baser aujourd'hui. Je vais en parler tout au long de l'émission, bien entendu. Alors, bougez pas, on vous revient dans quelques secondes. Économophile, comme ça, on vous fait découvrir ces bibles. C'est un peu comme, je sais pas, c'est le Coran de l'économie, ou allez savoir. Donc, La richesse des nations, c'est un ouvrage qu'on trouvait intéressant et important de présenter à l'émission parce que ça fait partie de ces ouvrages qui sont cités. Tu sais, quand tu dis, ah oui, je sais que ça existe, puis plusieurs vont peut-être même faire semblant de l'avoir lu. Le lire, ça change la perspective, c'est quelque chose d'intéressant. D'abord, d'emblée, quand on passe d'un couvert à l'autre, on constate que c'est cette édition-là, en tout cas, c'est sûr, parce que là, je vous dis, c'est plus ramassé, ça se lit très bien. Et en même temps, on découvre rapidement que cet homme-là n'est pas... C'est pas le grand speech pro main invisible, la religion, écoutez-moi, voici comment ça fonctionne. Ça n'a rien à voir. D'abord, on découvre quelqu'un qui nous présente les choses une après l'autre. C'est très technique, mais lisible quand même. Donc, il dit les choses très simplement. Et pour vous illustrer ce que je suis en train de vous dire, je vais le faire simplement par ceci. Commence en nous disant, ben voilà, on va parler de la richesse qui existe dans nos nations, certes, faisons-le. Mais commençons par le début. Quand est-ce qu'on peut marquer le pas considérablement, voire un changement important, fondamental? C'est la division du travail. Et on réfléchit pas souvent à ça, mais la division du travail change les choses énormément. Voici ce qu'il en dit. Cette division du travail de laquelle découle tant d'avantages ne doit pas être regardée dans son origine comme l'effet d'une sagesse humaine qui est prévue et qui a eu pour but cette opulence générale qui en est le résultat. Elle est la conséquence nécessaire, quoique lente et graduelle, de certains penchants naturels à tous les hommes qui ne se proposent pas des vues d'utilité aussi étendues. C'est le penchant qui les porte à trafiquer, à faire des trocs et des échanges d'une chose pour une autre. L'homme a presque continuellement besoin du secours de ses semblables, et c'est en vain qu'il l'attendrait de leur seule bienveillance. Il sera bien plus sûr de réussir s'il s'adresse à leur intérêt personnel et s'il leur persuade que leur propre avantage leur commande de faire ce qu'ils souhaitent d'eux. C'est ce que fait celui qui propose à un autre un marché quelconque. Le sens de sa proposition est ceci. « Donnez-moi ce dont j'ai besoin, et vous aurez de moi ce dont vous avez besoin vous-même. » Quand même logique, là. Et la plus grande partie de ces bons offices qui nous sont nécessaires s'obtiennent de cette façon. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Donc, fais pas du pain pour être faim, mais pour gagner sa vie. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage à eux. Comme c'est ainsi par traité, par troc et par achat que nous obtenons des autres la plupart de ces bons offices qui nous sont naturellement, mutuellement nécessaires, c'est cette même disposition à trafiquer qui a dans l'origine donné lieu à la division du travail. Par exemple, dans une tribu de chasseurs ou de bergers, un individu fait des arcs et des flèches avec plus de célérité et d'adresse qu'un autre. Il troquera fréquemment ses objets avec ses compagnons contre du bétail ou du gibier, et il ne tarde pas à s'apercevoir que par ce moyen, il pourra se procurer plus de bétail et de gibier que s'il allait lui-même à la chasse. Par calcul d'intérêt donc, il fait sa principale occupation des arcs et des flèches et le voilà devenu une espèce d'armurier. Ainsi, la certitude de pouvoir troquer tout le produit de son travail qui excède sa propre consommation contre un pareil surplus de produits du travail des autres qui peut lui être nécessaire encourage chaque homme à s'adonner à une occupation particulière et à cultiver et perfectionner tout ce qu'il peut avoir de talent et d'intelligence pour cette espèce de travail. C'est quand même une bonne introduction. On comprend que moi, je suis moins habile à faire des arcs et des flèches. Pourquoi je me forcerais à faire ça alors que mon collègue est tellement bon là-dedans? De la même manière que moi, la chasse, pas trop mon fort, mais je suis assez habile de mes mains. Pourquoi on troquerait pas? Mais c'est ça l'esprit. Et de cette division-là du travail, on finit par se spécialiser, on devient expert dans notre propre domaine, ce qui fait que à la force et à la longue, et c'est ce qu'on comprend du discours d'Adam Smith, c'est qu'on devient de plus en plus habile, on produit de plus en plus, si bien qu'on ne produit plus seulement pour nos propres besoins personnels. Mais c'est là où ça devient, on peut par la suite commencer à parler de commerce. J'ai des surplus, je dispose de beaucoup de matériel que je peux vendre. Maintenant, on peut sortir de notre propre frontière, de notre propre besoin personnel. Et c'est là que commence la marchandisation, le commerce. Alors, de la division du travail, parce qu'on réussit à aller plus loin que de répondre à nos besoins personnels, s'ouvre le monde du commerce. Alors voilà pour cette introduction. Maintenant, Jean-Claude, si on parlait un peu du bonhomme, là, j'ai un peu placé les choses de façon très simple en disant « division du travail nous amène à penser ou en, le commerce, en tout cas différemment, c'est toujours fait du commerce, mais disons que la division du travail apporte des capacités, des pouvoirs nouveaux. » Mais ce gars-là, si tu me parlais d'Adam Smith en tant que tel, tu l'as abordé en introduction, c'est un penseur, c'est un philosophe, c'est un moraliste. C'est ça, c'est un moraliste, effectivement. C'était professeur, en fait, peut-être je commencerais par dire que c'est un Écossais aussi. Oui. Puis les Écossais, peut-être depuis l'époque d'Adam Smith, ont un peu la réputation d'être des gens d'affaires assez avisés. C'était pas nécessairement son cas, je pense que c'était plutôt un intellectuel, un professeur d'université, un moraliste, mais il était dans une atmosphère, probablement dans un milieu où ça commençait à être important, finalement. justement de se lancer en affaires. Et on est au début de l'ère industrielle, donc c'est l'arrivée de la mécanisation. On met des machines dans les... on crée des usines, notamment pour le textile. Et Adam Smith arrive au tout début de cette période-là. C'est aussi un penseur de l'époque des Lumières. Le 18e siècle est reconnu comme la période où les penseurs ont commencé à essayer de se dégager de l'influence de l'Église, de la religion, puis de dire on est capable de définir par nous-mêmes à partir de la raison la bonne façon d'organiser la société. Et c'est un des apports principaux d'Adam Smith. Il faut le comprendre un peu comme un moraliste. Lui, il se demandait comment la société pouvait fonctionner, puisque dans le fond, les individus avaient tous des intérêts un peu particuliers, un peu personnels. Puis de toute façon, il est arrivé à après des millénaires, où la société était perçue comme définie par la religion. Tout simplement, on disait, notamment saint Thomas d'Aquin, beaucoup réfléchi sur la notion de juste prix, c'est-à-dire on n'a pas à se préoccuper du prix des choses, c'est défini par l'Église qui dit le salaire d'un ouvrier, ça mérite tant, un morceau de pain, ça vaut tant, c'était le juste prix, qu'on estimait de façon plus ou moins arbitraire. Il y avait, à l'Église, donné suite, c'est-à-dire succédé les gouvernements assez autoritaires, notamment le gouvernement de Louis XIV en France, d'autres rois également dans d'autres pays, où là, c'était l'arbitraire royal qui disait pour ouvrir une compagnie, une manufacture, un commerce, avoir le droit de commercer, ça prend une autorisation du roi. Donc, il y avait très peu de... Les prix étaient déterminés par l'Église ou par l'État, puis le droit même de faire des affaires était déterminé par le gouvernement, par le roi en l'occurrence. Adam Smith est arrivé avec une nouvelle mentalité, c'est-à-dire qu'il a réussi à justifier l'idée suivante, c'est-à-dire que si on fait confiance aux individus, c'est par le jeu tout simplement de leur interaction, en confrontant leur intérêt personnel, comme par enchantement, ça va conduire à l'intérêt collectif, au bien commun. C'était une révolution dans la pensée, parce que jusqu'à maintenant, on se méfiait plus ou moins de l'individualisme. On se disait, ben là, les gens, ils ont seulement qu'à faire ce qu'on leur dit de faire, puis ils ont seulement qu'à charger les prix qu'on leur dit qui est le juste prix. Lui, il dit, non, si on fait confiance aux individus, autant les ouvriers que les propriétaires de terre, que les industriels, ben finalement, l'intérêt de chacun, en se confrontant les uns les autres, ça va conduire au plus grand bien-être pour l'ensemble de la société. Une espèce de miracle. Lui, il attribuait ça quasiment à la Providence. Il disait, c'est Dieu qui a mis ça dans... C'est ce qu'on appelait la main invisible. Là. C'est ce que devenait la main invisible dans son esprit à lui. Et c'est intéressant parce que ça nous permet aussi de présenter la main invisible autrement que par cette espèce d'objet mythique dont on se moque d'ailleurs. Moi, j'aime m'en moquer. Je trouve ça drôle de me moquer de la main invisible. Mais en même temps, quand on le lit bien, oh, il y a une partie de foi là-dedans, probablement, en fait, sans aucun doute. Mais ça s'explique bien dans la mesure où, effectivement, si l'ouvrier est trop mal payé et qui a à côté un employeur qui offre un meilleur salaire, il va partir. De la même manière que si le produit est trop cher, ben le marchand ne sera pas capable de le vendre. Donc, il faut qu'il trouve un prix correct pour être capable de gagner sa vie, avoir son profit, et il faut qu'il gagne assez pour offrir un salaire qui a de l'allure à son ouvrier. Si son salaire n'est pas suffisant, il va partir. Donc, il y a ce jeu d'équilibre-là, incluant celui qui est propriétaire de la terre aussi, qui doit, parce que si on s'installe chez lui pour pouvoir produire, ben j'ai le droit d'avoir ma rente avec ça. Donc, ce jeu d'intérêt-là finit par faire en sorte qu'il y a un équilibre, et c'est ça, donc, cette espèce de main invisible. Est-ce que c'est ce que je comprends? Oui, c'est tout à fait ça, exactement. Puis, dans le fond, ce que Adam Smith a mis en lumière aussi, puis qui lui apparaissait, pour lui, c'était quand même assez extraordinaire, c'est que ce jeu, cette confrontation des intérêts de tous et chacun, finalement, ça conduit on en arrive à une espèce de trouver les bonnes quantités, puis à produire les bonnes choses. C'est-à-dire que les gens, par le mécanisme du marché, par le mécanisme des prix, vont récompenser ceux qui leur offrent les produits qui sont les plus sollicités, qui sont les plus souhaitables. Puis en même temps, ça permet d'éviter les surplus parce que, comme tu viens de le mentionner, David, si quelqu'un produit un peu trop, bien évidemment, il ne trouvera peut-être pas preneur, il va être obligé soit de produire moins ou soit de se diriger dans une autre production. Fait que ça permet d'arriver aussi à une espèce de quantité idéale, c'est-à-dire on produit pas trop, on produit pas trop peu non plus. Il y a une espèce d'équilibre, mais encore une fois, qui converge vers l'intérêt de l'ensemble de la communauté. C'est peut-être important de le mentionner, le titre, va revenir sur le titre de l'ouvrage, c'est la richesse des nations, c'est pas la richesse des individus. En bon moraliste, Adam Smith était d'abord préoccupé, lui, par le bien-être de l'ensemble de la nation, indépendamment des intérêts individuels en tant que commerçant, industriel ou paysan. Ce qui nous a donné l'espèce d'extrapolation ou même la caricature qui dit, ben voilà, c'est ça qu'il dit, c'est-à-dire que si on laisse les riches s'enrichir, ça va ruisseler puis tout le monde va en profiter. C'est pas exactement ça qu'il dit, en fait. Il y a un intérêt personnel et ça donne qu'il y a un bénéfice. C'est pas volontaire. Souvent, là, quand le marchand dit, comme on le disait en introduction, le marchand n'a pas envie de vendre du pain parce qu'il a envie d'être faim, il veut gagner sa vie. Il y a un peu de ça, mais il faut pas le caricaturer non plus, là. Non, ça veut exactement ça dire que oui, j'ai de l'intérêt personnel quand même de part et d'autre chez les différents intervenants, mais tout ça finit par se réconcilier par le mécanisme du marché. Et le mécanisme de marché, font le marché, encore une fois, Adam Smith, c'est un peu providentiel, réussit à éviter les excès. Ceci étant dit, ça veut pas dire, ça se peut que les personnes individuellement souhaiterait avoir davantage de pain, mais évidemment, tout ça est toujours limité par la quantité de ressources disponibles, l'état de la technologie, etc. Dans le fond, tout ce qu'il dit, c'est qu'on arrive au meilleur arrangement possible compte tenu de nos capacités de production. On a encore ça, ce débat-là aujourd'hui. Il y a bien des gens qui aimeraient en avoir plus, mais tout le monde ne peut pas avoir toujours plus parce qu'on est toujours un peu limité par la quantité de ressources. Pour lui, la ressource principale, c'est une des choses importantes dans son œuvre, ça demeure quand même le travail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup revalorisé. C'est peut-être un aspect, dans le fond, très progressiste. Pour lui, la richesse venait d'abord de la capacité de travail de chacun. D'ailleurs, il a une façon assez directe d'appeler les choses. C'est sûr que vu par l'œil d'aujourd'hui, ça fait sourire quand il parle du travail productif ou non productif. Il dit que si tu produis quelque chose qu'on peut revendre, c'est productif. Si tu fais quelque chose qui ne se revend pas, ça l'est moins. Donc, quand il parle des ecclésiastiques qui font un travail, ou même il nomme les médecins en disant, une fois que tu as rendu ton service, ouais, tu peux pas le revendre. Donc, il caractérise ça. Je sais pas si ça avait fait des mécontents à l'époque, mais il y a une façon de caractériser. De toute façon, on a vu ça de tout temps, de créer des classes. Alors, lui, c'est ses classes à lui. C'est celle-là. Oui, c'est intéressant. Moi aussi, je vais pas accrocher sur cette chose-là parce que je me suis senti interpellé en tant qu'ancien fonctionnaire, mais lui, oui, ben oui. Comme je suis inutile. Très improductif là, à l'heure actuelle. Là. Tous les artistes, d'ailleurs, pour lui, étaient des improductifs, de même que tout ce qui était dans l'appareil d'État. Il faut dire, par contre, il y avait très peu de fonctionnaires à l'époque. La société était même très, très agricole encore à son époque. Il y a aussi des notes, je poursuis, je regarde l'heure avancée, mais je vois les notes. L'épargne, je sais que c'est quelque chose qui est aussi une particularité. Parce que l'épargne, donc le capital comme source de progrès, ça a été clairement spécifié, noté de sa part. Oui, pour lui, c'était une des composantes importantes de son œuvre, puis c'est peut-être venu de là un peu la notion de capitaliste, finalement. Parce que lui, et puis encore à l'époque moderne, il y a une équivalence. Effectivement, l'épargne, normalement, ça sert à investir. À l'époque, investir, c'était acheter de la machinerie, dans le fond, construire des usines, acheter de la machinerie, des équipements, et ce qui permettrait aux travailleurs employés dans l'usine d'être plus productifs que s'ils étaient limités à des procédés tout à fait artisanaux. Par contre, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sur les ponts depuis 1776, la date de l'apparition de son ouvrage. Et aujourd'hui, l'équivalence, ça fait un peu moins bien. Tout ce qu'on appelle la financiarisation aujourd'hui, c'est que l'épargne ne va pas nécessairement construire des routes ou construire des usines ou acheter de l'équipement productif, mais elle va aussi à des placements en bourse qui... Peut-être qu'Adam Smith, s'il revenait, dirait c'est des investissements non productifs. En fait, je serais curieux d'avoir son avis à ce sujet-là. Mais effectivement, d'autant qu'il met beaucoup d'importance à parler de ces espèces de marges un peu naturelles, correctes, que chacune des parties s'attribuerait. Là, il ferait le saut aujourd'hui s'il voyait ça, parce qu'on n'est plus dans le naturel. Donc, on va capturer plus souvent qu'autrement ce qui se fait de profit, puis le reste n'est plus du tout productif. Là, c'est pas ça qu'il y a. Ben, je pense que dans la pensée d'Adam Smith, c'était bien, la notion de concurrence est très, très importante. Pour lui, on va atteindre l'équilibre, on va atteindre une espèce d'optimum de la société, en autant qu'il y a beaucoup de parties qui se contestent les unes les autres, qui empêchent qu'une partie emporte la majorité du gâteau pour elle tout seule. Donc, peut-être que lui, il l'avait moins prévu. Quoi qu'il était méfiant de la grande compagnie, mais il n'y avait pas beaucoup de grandes compagnies à son époque. Je pense qu'il s'y revenait aujourd'hui, il serait très malheureux de constater que dans bien des domaines d'activité, l'activité, le service, les produits sont offerts par un nombre très limité d'entreprises, de très grandes compagnies, et qui ont une espèce de pouvoir de marché qui leur permettent de s'attribuer peut-être des profits excessifs. je sais. Est facile quand on joue monnaie, mais ça marche. Et ça fait probablement en sorte que vous restez là aussi. Outre les propos, bien entendu. Et juste pour continuer à, je dirais pas déconstruire le personnage, mais repréciser le personnage, on va dire ça comme ça. On le dit depuis tantôt, Adam Smith n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on en dit, notamment en ce qui a trait au sort de l'ouvrier. Parce que l'ouvrier, on peut peut-être penser que comme c'est le libéralisme à tout craint, que c'est l'argent d'abord et on oublie le reste, il était très conscient de ces choses-là. Et dans son analyse dans le livre, on le sent très bien. Je vais vous lire un court passage qui l'illustre, ma foi, très bien. Les ouvriers désirent gagner le plus possible. Les maîtres, donner le moins qu'ils peuvent. Les premiers sont disposés à se concerter pour élever les salaires. Les seconds, pour les abaisser. Comme ça, hein, on le suit jusque-là. N'est pas difficile de prévoir lequel des deux parties, dans toutes les circonstances ordinaires, doit avoir l'avantage dans le débat et imposer forcément à l'autre toutes ses conditions. Les maîtres, étant en moindre nombre, peuvent se concerter plus aisément. Et de plus, la loi les autorise à se concerter entre eux, ou au moins ne leur interdit pas, tandis qu'elle l'interdit aux ouvriers. Oui, effectivement, à l'époque, le contexte était différent. Nous n'avons point d'acte du Parlement contre les ligues qui tendent à abaisser le prix du travail, mais nous en avons beaucoup contre celles qui tendent à le faire hausser. Dans toutes ces luttes, les maîtres sont en état de tenir ferme plus longtemps. Un propriétaire, un fermier, un maître fabricant ou marchand pourrait en général, sans occuper un seul ouvrier, vivre un an ou deux sur les fonds qu'ils ont déjà amassés. Beaucoup d'ouvriers ne pourraient pas subsister sans travail une semaine, très peu un mois et à peine un seul une année entière. À la longue, il se peut que le maître ait autant besoin de l'ouvrier que celui-ci a besoin du maître, mais le besoin du premier n'est pas si pressant. Et oui, donc c'est l'émission Éconophile qui se poursuit au 89.1 CKRL. C'est David Lemelin au micro. Très content de vous présenter cette semaine cette petite bible de l'économie mondiale, Adam Smith, La richesse des nations, en compagnie de Jean-Claude Cloutier, économiste. Et Jean-Claude, justement, là, on va continuer, puisque tu es là, on va pouvoir se faire un cours d'économie 101 sur le marché. Allons-y donc, parce que oui, tu l'as très bien dit dans la première partie de l'émission, le marché reste la chose la fondamentale dans la réflexion d'Adam Smith. Rencontre de l'offre et de la demande, il en fait mention, c'est quelque chose qui est capital pour utiliser un qualificatif approprié. Si tu m'en parlais un peu de l'offre et de la demande. Oui, ben tout simplement, tu l'en as mentionné toi aussi un peu, David, dans ton introduction. C'est ben, finalement, c'est la rencontre des acheteurs et des demandeurs d'un produit ou d'un service donné. Par contre, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette notion du marché par Adam Smith, finalement, c'est un peu les conditions qui sont nécessaires pour que le marché produise ce qu'on en attend. C'est-à-dire, lui en attendait, évidemment, atteindre le plus grand bien-être pour la société. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs, c'est-à-dire autant du côté de l'offre que du côté de la demande. Un marché qui fonctionne bien pour Adam Smith et pour ceux qui ont poursuivi la réflexion par après, ça prend beaucoup de personnes qui sont prêtes à offrir un produit et beaucoup, évidemment, de clients qui sont prêts à l'acheter. Ça permet justement de mettre en concurrence autant ceux qui achètent que ceux qui vendent pour s'assurer qu'on atteint le prix naturel, le prix d'équilibre, le prix finalement qui va faire en sorte que personne qui a un profit exagéré ou qui paye trop cher ou qui paye pas assez cher. Puis s'il paye pas assez cher, bien, ça amène au gaspillage. C'est ça, parce qu'il appelle ça vraiment, lui, précisément le prix naturel, ce qu'on appelle le prix d'équilibre souvent, et le prix du marché. Il dit les deux font comme le prix naturel, le prix du marché évolue autour de ce prix naturel. Des fois, il rejoint, des fois, il est en bas, des fois, il est au-dessus. C'est un peu ce qu'on observe de toute façon encore aujourd'hui. Il peut y avoir un petit peu de mouvement autour de, avant qu'on atteigne l'équilibre, mais l'important, si on garde suffisamment d'acteurs, si le marché est actif, mais il y a d'autres conditions, par contre, c'est que ça prend l'information aussi. Puis, c'est important de mentionner ça parce que Adam Smith a mentionné un peu... Il était un peu imbu d'un marché idéal. Il avait un peu ça en tête, mais on s'est rendu compte par la suite, et de plus en plus, que souvent les conditions ne sont pas respectées. Une de ces conditions-là, c'est l'information des acteurs, c'est-à-dire que ceux qui achètent des produits doivent être capables de savoir qu'est-ce qui est offert. Parce que, évidemment, quand on va au marché de fruits et légumes à Saint-Roch ou à Sainte-Foy, bien, c'est facile de savoir quel est le prix demandé pour des pommes ou du blé d'Inde. Ils sont tous sur place, mais il y a bien des produits. Si tu achètes un automobile, par exemple, tous les vendeurs ne sont pas nécessairement au même endroit, donc faut que tu sois capable un peu de savoir qui offre, quels sont ceux qui offrent le type de voiture que tu veux acheter et à quel prix qu'ils demandent. L'autre condition qui est importante, c'est l'homogénéité du produit, c'est-à-dire qu'il faut que ce qu'on achète, les produits qui nous sont offerts sont tous les mêmes ou à peu près, sont tous très semblables, qu'il n'y ait pas des différences énormes d'un produit à l'autre, parce que là, ça devient extrêmement compliqué. C'est-à-dire, un produit m'est offert à tel prix, mais un autre qui y ressemble, mais qui n'est pas tout à fait pareil, mais offert à meilleur marché ou plus cher, là, la comparaison devient un peu plus difficile. À son époque, il n'y avait pas une grande diversité de produits. Les produits étaient assez homogènes. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. C'est peut-être encore le cas pour l'essence. Quand on achète un litre d'essence, on a le choix entre le sans plomb puis l'ordinaire ou le premium, mais c'est à peu près les... la complication s'arrête là. Mais on peut imaginer bien d'autres cas où c'est plus difficile que ça de s'entendre. Je peux peut-être ajouter rapidement, David, parce que c'est très important aussi dans son esprit, pour lui, pour que le marché fonctionne bien, il faut pas, il y ait le moins possible d'ingérence de l'État. Oui, la non-ingérence de l'État est clairement mentionnée, là. Puis c'est de là d'où vient la notion de libéralisme associée à Adam Smith, la liberté des marchés, la liberté des acteurs. Il faut que l'État n'intervienne le moins possible parce que sinon, l'État va prendre des décisions à la place des acteurs, des offreurs ou des demandeurs. Et qui est-il, l'État, pour juger qu'est-ce qui est bon? Quel est le bon prix? Qui doit produire? À quelles conditions? Donc, lui faisait confiance au marché, c'est-à-dire plutôt qu'à l'État, tout en niant pas quand même qu'il y a des choses que le marché ne va pas assumer, comme par exemple les infrastructures, construction de routes, construction oui, de ports. Oui, il nomme précisément, vous pourriez vous occuper de ceci, la sécurité, ouais. Bon, la défense, etc., ces choses-là, mais les routes, infrastructures, mais pour le reste, pour l'essentiel, en tout cas, tout ce qui a trait à ce qui peut entrer dans le commerce, touchez-y pas, là. C'est exactement ça, mais encore là, c'est un modèle idéal, mais même des choses aussi évidentes, là, puis ça faisait vraiment l'unanimité, puis ça, comme par exemple dire que l'État doit s'occuper de la sécurité. Puis pour lui, une des conditions de bon fonctionnement du marché, c'est que les droits de propriété sont respectés. Évidemment, ça va être contesté 100 ans plus tard par Karl Marx puis d'autres, mais à son époque, c'est bien important. Évidemment, si on veut vendre quelque chose, il faut qu'on en soit propriétaire. Si on veut l'acheter, c'est pour en devenir propriétaire. Donc, le droit de propriété était très important. Et pour lui, l'État, un de ses rôles pour bien faire fonctionner le marché, c'était de garantir les droits de propriété, c'est-à-dire la police et la justice notamment. Je t'amènerai, si tu le permets, sur une chose aussi qui ressort beaucoup dans l'ouvrage, c'est le commerce international. C'est extrêmement important. Lui, il dit clairement, si je produis quelque chose de moins bien que mon voisin, pourquoi, bon Dieu, que je me forcerais à essayer de le faire? Si les Français font du bon vin, pourquoi je vendrais de la piquette alors que je suis aussi bien allé acheter mon vin français et je leur vendrais d'autres choses? Nous, on vend notre sirop d'érable au Japon, ils nous vendent le lecteur DVD. C'est beau la vie. Oui, tout à fait. C'est très important parce qu'il est à l'origine, dans le fond, de tout ce qu'on appelle libre-échange aujourd'hui. Il est un peu le premier penseur. Évidemment, Ricardo, dont on a parlé la semaine passée, a amplifié un peu cette idée-là. Mais à l'origine, Adam Smith, pour lui, c'était une notion très importante. Ce n'est qu'une extension, dans le fond, de son idée de base, c'est-à-dire dans une petite communauté, si on fait la division du travail, ça va être encore plus efficace si on la fait au niveau du pays, puis si on la fait au niveau du monde, entre les pays, c'est encore plus efficace. Donc, pour lui, c'est un espèce de prolongement de sa pensée là, du niveau local au niveau mondial. C'est pourquoi, d'ailleurs, les règles, tarifs, barrières, toute entrave, ça devait le faire sourciller, de ce que j'en comprends. Lui, ce serait carrément un libre-échangiste aujourd'hui. Voilà. Il serait tout à fait d'accord avec ça. Oui, parce qu'il considérait que, dans le fond, quand on commence à faire ça, on ne tirait pas tout le potentiel du capital qu'on investit. C'est comme ça que je l'ai compris. Ben oui, c'était un peu, je le disais dans d'autres termes tantôt, c'est on appelle ça parfois des économies d'échelle aussi, mais on appelle ça la division du travail. La division du travail, quand elle devient internationale, est encore plus efficace. Donc, plus le marché est grand, plus ça permet de se spécialiser dans des choses, puis ça se permet aussi avec des grandes échelles de production de baisser les coûts de revient, c'est-à-dire le prix unitaire de chaque produit est beaucoup plus petit que si j'en fais un grand volume que si j'en fais un nombre très limité. On l'a beaucoup dans l'édition, par exemple. On va dire très souvent que ce qui coûte cher, c'est le premier livre dans une série qui coûte cher. Mais le 2000e livre ou le 200e coûte très, très peu cher. En tout cas, lui, il a fait de l'argent avec le sien. Ouais. Puis, il en profite plus personnellement, mais il en a fait de l'argent avec le sien. Vous allez voir, on a de la suite dans les idées dans cette émission parce qu'on parle d'échanges, de commerce international et on va finir en parlant de protectionnisme et dans l'actualité. Mais juste avant, un mot pour tirer de ce livre toujours dont je vous fais la lecture depuis le début de l'émission, La richesse des nations. On parlait tantôt du commerce, à quel point c'est important. Il parle du monopole. Je vais vous lire ce court segment sur le monopole. Il dit ceci. À la vérité, le monopole élève le taux des profits mercantiles et augmente par ce moyen le gain de nos marchands. Mais comme il nuit à l'accroissement naturel des capitaux, il tend plutôt à diminuer qu'à augmenter la masse totale du revenu que recueillent les habitants du pays comme profit de capitaux. Un petit profit sur un gros capital donnant un plus grand revenu que ne fait un gros profit sur un petit capital. Le monopole fait hausser le taux du profit, mais il empêche que la somme totale des profits ne monte aussi haut qu'elle aurait fait sans lui. Ça m'apparaît assez clair, je pense, Jean-Claude, c'est vraiment ce qu'on vient de dire. C'est, regarde, tant qu'à faire un choix, si on peut produire davantage, faire avoir plus de richesse, le choix du monopole est clairement pas le bon. Maintenant, parlons des limites. Les limites du marché, les imperfections du marché, parce qu'on l'a évoqué aussi depuis le début de l'émission. Il y avait une vision idéale. Dans la réalité, ça s'est traduit très différemment et encore plus aujourd'hui quand on le regarde 200 ans plus tard. Il y a des imperfections dans sa vision parfaite. Ben, c'est-à-dire, on s'est rendu compte à l'usage, puis les autres penseurs économiques de l'économie qui lui ont succédé, là, ont développé ça, ont amélioré la connaissance des limites. Mais une des conséquences que lui avait peut-être plus ou moins prévu, c'est que les marchés aussi, du côté des offreurs en tout cas, ont une tendance, je dirais presque naturelle, à diminuer le nombre d'acteurs. C'est-à-dire, j'ai mentionné tantôt qu'un des premiers principes pour un bon marché, c'est qu'autant du côté de ceux qui demandent un produit que ceux qui l'offrent, on a un grand nombre d'acteurs. Ça permet de faire jouer la concurrence. Mais du côté des producteurs, souvent, on se dirige de plus en plus vers un nombre restreint. Au début, moi, quand j'ai commencé à étudier l'économie, on nous racontait ça. Il y avait une espèce de cycle naturel dans n'importe quel produit, n'importe quelle industrie. On commençait avec beaucoup d'acheteurs, puis on évoluait progressivement vers un nombre de plus en plus restreint. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus efficaces que les autres, un peu plus productifs, un peu plus malins que les autres producteurs, puis ils réussissent à s'accaparer des parts de plus en plus grandes de marché. Et là, ça fait boule de neige. Je dis, plus que tu es gros, plus que tu es capable d'imposer ta loi, imposer tes prix, couper les prix des autres des fois, te débarrasser des concurrents, les acheter quand ça ne fait pas. Puis on se ramasse finalement à bout de piste au bout d'un certain nombre d'années ou de dizaines d'années, parfois à des monopoles ou à ce que les économistes économistes appellent des oligopoles, c'est-à-dire quelques concurrents. Là, on a l'exemple, par exemple, des produits pétroliers, de l'essence. Bien, il y a quand même un certain nombre, on appelle ça les majeurs dans le monde. Il y a peut-être 7-8 là, qui se partagent. Dont Exxon, qui maintenant possède la Maison Blanche. Oui, c'est peut-être un autre. Oui, effectivement. Mais c'est un fait, puis d'ailleurs, c'est l'argument clé qui dit, entre autres, qu'il fallait mettre sur pied des lois antitrust et faire en sorte de contrôler ce marché qu'on ne devait pas contrôler, parce que par la force des choses, c'est probablement le sens humain le plus profond, inné chez certains, c'est-à-dire que si j'ai une occasion d'affaires pour grandir, ben je vais le faire. Donc, on se ramasse aujourd'hui avec des commerces surpuissants, puis de la concurrence pure, finalement, c'est une lubie, ça se peut pas. Mais ça marche encore quand même dans certains domaines. Je mentionnais tantôt l'exemple des marchés, mais ça, c'est des marchés de fruits et légumes. Oui, oui. Mais c'est quand même un domaine un peu limité. Ça marche encore un peu dans l'essence, un autre domaine que les consommateurs connaissent bien. Mais même dans l'essence, ça marche moins qu'avant, parce que moi, je suis assez vieux pour me rappeler d'une époque où il y avait des stations d'essence à peu près à tous les coins de rue dans nos villes, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a seulement qu'à l'entrée des villes, puis il y en a de moins en moins. Donc, même si dans ce cas-là, ça a pris plusieurs dizaines d'années, mais là, on a encore cette espèce de cycle de vie des produits qui se manifeste, c'est-à-dire que là, on avait beaucoup de compétiteurs pour la vente d'essence, mais là, on en a de moins en moins. Et auparavant, je me rappelle, il y a X années, c'était facile de se faire servir de l'essence. Il y avait tellement le choix que tu te présentais une station-service, il y avait quelqu'un pour te remplir ton réservoir immédiatement. Maintenant, il faut que tu fasses la file à plusieurs endroits. Ils ont vraiment changé la nature de l'industrie. Maintenant, c'est les consommateurs qui doivent courir après après les stations-service. Oui, en fait, c'est maintenant les vendeurs de café qui ont à tous les coins de rue. C'est ça. On vit des cycles. À un moment donné, ça va changer. Pour clore ce segment sur le marché, il y a le retour en force de la concurrence pure et parfaite. Tu m'as laissé une note à cet égard-là. Le commerce en ligne. Ça change quelque chose. Oui, bien, le commerce en ligne, il y a deux façons de le voir. On aurait pu le mentionner comme étant un exemple, par exemple, de restriction de la concurrence, parce que dans bien des domaines, il y a des réseaux qui se sont formés, comme Facebook ou Amazon, ou qui sont de plus en plus des monopoleurs, parce que la logique des réseaux, c'est qu'on restreint le nombre. C'est intéressant, un réseau, quand tout le monde adhère au même réseau. Ça, c'est un aspect qui est peut-être négatif, mais l'autre aspect qui est extrêmement fascinant, c'est que le commerce en ligne, les eBay, par exemple, quand vous pouvez offrir, n'importe qui peut offrir des services ou n'importe qui peut rechercher des produits sur eBay, ou ça peut être chercher une chambre d'hôtel, un endroit où, pas une chambre d'hôtel, mais une chambre, un hébergement, par exemple, sur Airbnb, l'exemple d'Uber en taxi, des exemples évidemment qui sont très contestés, mais c'est vraiment le marché à la Smith, c'est-à-dire le marché idéal de Smith, où tu as beaucoup de petits producteurs, propriétaire d'un véhicule, hein, qui veut faire des services de taxi, puis beaucoup de demandeurs, des gens qui sont à la recherche de soit d'un hébergement pour une nuit ou à la recherche d'un déplacement en auto. T'as une infinité d'offreurs, une infinité de demandeurs qui se concurrencent et puis qui peuvent un peu négocier le prix. Mais ce qui nous amène d'ailleurs à un des problèmes qu'on soulève depuis tantôt avec cette vision-là du marché, c'est que la capacité de s'enrichir collectivement avec ça, c'est là où il y a un problème. D'ailleurs, il y a des gens qui parlent de lois pour essayer de contraindre ou de tirer un maximum du commerce en ligne, parce que pour l'instant, on navigue à vue, là. C'est encore une période de concurrence peut-être débridé, sauvage, ça va probablement se stabiliser. Mais encore là, faut se poser la question, Smith avait-il raison de dire qu'il ne faut pas d'ingérence du gouvernement là-dedans, laisser les partis en arriver à un équilibre? C'est un débat. C'est un débat qui sera difficile de trancher cet après-midi. Et puis, Jean-Claude, maintenant, avant d'arriver à la question d'actualité, Dernier élément pour conclure ceci, tu voulais parler de fausseté de prix, absence de marché. Oui, bien justement, parmi les imperfections du marché, il y en a plusieurs, mais une dont il faut absolument parler, c'est la fausseté des prix, parce qu'évidemment, le système de Smith, c'est basé sur le fait qu'on va réussir à trouver le prix, le prix naturel, le bon prix pour les produits et services qui sont offerts. Mais présentement, depuis plusieurs années, un des problèmes majeurs, c'est que l'environnement n'a pas de prix. C'est ce qui fait qu'on peut la polluer, dans le fond, les entreprises, et même les individus, peuvent nuire à l'environnement parce qu'on on les pénalise pas pour ça. C'est-à-dire, les émissions de gaz à effet de serre que vous faites ça tout à fait impunément sans payer le prix pour ça. Donc, c'est un cas où, normalement, on s'éloigne de l'optimum, de l'idéal de bien-être de la société parce que des activités pour lesquels on ne charge pas de prix. Ou alors on met des taxes minimales, comme le carbone, par exemple. Vous voyez cette semaine, une taxe de carbone qui fonctionne, il faudrait que ce soit 200 $ la tonne, alors qu'au Canada, on discute d'une taxe autour de 10 ou 15 $ la tonne. On est extrêmement loin. Non seulement le prix n'existe pas encore pour la tonne de carbone, mais celui qu'on envisage est dans le fond, est dérisoire par rapport à ce que faudrait qu'il soit pour vraiment représenter un prix exact pour ce qui est des nuisances en environnement qu'on a introduit. Parce que les nuisances en environnement, et ça, c'est l'argument de ceux qui souhaitent que ça change, c'est que ça finit par coûter plus cher. Au départ, on se dit, je me donne pas de contraintes, ma production augmente, mes profits augmentent, c'est tant mieux. Mais quand on regarde la courbe, et plus tant qu'on passe à plus loin, il y a des coûts à ça. Il y a des coûts reliés à la pollution. Il y en a. Bien, il y a des coûts d'abord énormes. Les Chinois le vivent présentement, où des gens sont victimes de maladies respiratoires à cause de la pollution. Mais c'est aussi des coûts pour les générations subséquentes. C'est-à-dire, c'est bien beau de dire que nous, ça va bien, on fait une belle vie, mais il faut penser à l'héritage qu'on va laisser, en fait, des ressources qui vont être épuisées ou un environnement qui va être irrespirable. Merci, Jean-Claude. Et l'actualité, effectivement, nous nourrit. C'est en plein dans la logique, dans l'esprit même de cette émission sur le livre de... Ça pouvait pas mieux tomber, finalement, le livre d'Adam Smith. Protectionnisme est à l'ordre du jour avec notamment Donald Trump. Si on parlait de Trump en premier, puis même ici, Jean-François Lisée qui a livré un discours à la Chambre de commerce à Montréal et qui parlait de protectionnisme. Oui, tout à fait. Ben peut-être d'abord par Trump. Moi, ce qui me frappe beaucoup avec Trump, c'est qu'il est très ambivalent. Adam Smith lui donnera à la fois des bonnes et des mauvaises nouvelles. Ouais, c'est ça. Des bonnes et des mauvaises notes, c'est-à-dire parce que d'un côté, il est très libéral, dans le fond, dans le sens qu'il est pour la déréglementation. Il dit, par exemple, qu'il va réduire la réglementation à Wall Street, la réglementation des marchés financiers. Il préconise des baisses d'impôts, à la fois pour les classes moyennes et pour les classes les mieux nanties. Donc ça, ce serait très en accord avec la philosophie d'Adam Smith, c'est-à-dire qu'on laisse les acteurs jouer, puis l'État s'en mêle le moins possible. Mais en même temps, comme on le sait très bien, il dit aux entreprises, dorénavant, vous avez plus le droit, mais si vous investissez au Mexique ou ailleurs, on va vous mettre de fortes pénalités. Ça, c'est complètement à l'encontre des prescriptions d'Adam Smith. Quand il menace quand il met même des murs, le mur avec le Mexique, parce qu'on n'a pas mentionné tantôt par manque de temps, mais Smith, évidemment, croyait la mobilité des capitaux puis de la main-d'œuvre. C'est-à-dire, dans son système idéal, il faut que les travailleurs puissent se déplacer là où il y a de l'emploi qui fait leur affaire. Alors, Trump, manifestement, est contre ça, lui, parce qu'il refuse l'entrée de travailleurs mexicains aux États-Unis. De toute évidence, avec Trump, de toute façon, pour l'instant, on est dans le discours politique. Il a adapté son discours politique pour plaire et atteindre les cibles qu'il avait à atteindre. Maintenant, la grande question, c'est jusqu'à quel point l'économie elle-même va réussir à ramener Trump sur une traque, une piste, une rail qui a plus d'allure? Parce que les gens disent d'une part, oui, on connaît le checks and balances aux États-Unis, il faut passer au travers du Congrès et du Sénat, mais encore là, pour l'instant, on a l'air de vouloir dire oui à peu près à tout ce qu'il dit, mais un jour, la réalité va frapper, je peux pas croire. En fait, peut-être que les économistes auront tort encore une fois, mais il y a un consensus chez tous les économistes. Moi, depuis quelques mois, j'en lis à tous les jours des économistes, même de renom, des prix Nobel, qui disent « ça marchera pas, là, c'est pas possible ». Toi-même, David, tu l'as rappelé un peu en introduction, ça marche pas. Là. Tu peux pas à la fois baisser les impôts, augmenter les dépenses militaires, dire non aux immigrants, etc. perdre la compétitivité puis arriver. Ça se peut pas, là, que tout ça fonctionne, à moins d'une intervention divine, mais ça, on va laisser ça de côté pour l'instant. Et ce discours-là, donc, protectionniste, qui a bien fonctionné pour la campagne électorale américaine, s'importe? Ben, ça m'a frappé parce que c'était il y a deux jours, là, Jean-François Lisée, devant la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, avait un discours qui était assez protectionniste, probablement qui se faisait un peu l'écho de Trump parce que, veut pas, les politiciens de par le monde, y compris au Québec, se disent, ben, peut-être qu'il y a des recettes de Trump que je pourrais importer. Alors, Jean-François Lisée, lui, dans son discours, il a parlé d'achat local. Encore là, on donne une préférence aux producteurs locaux. Ça plaît à son public devant lui. Quand la Chambre de commerce, d'une part. Bon, je dis pas que c'est immoral, mais reste que c'est pas du libéralisme au sens qu'on ne laisse pas les agents libres de choisir ce qu'il fait leur affaire. On leur dit, vous ne pourriez pas davantage acheter local, ça va aider nos compatriotes, ça va aider l'économie locale. Et il parlait de protection des sièges sociaux stratégiques. Oui. Ça ressemble un petit peu à Trump, c'est-à-dire, on ne vous laissera pas libre de vous en aller partout aussi facilement que ça. Donc, il revient, par exemple, sur le cas de Rona. Oui. Et peut-être qu'il a raison, c'est des choses qui peuvent se discuter, mais c'est pas du libéralisme. C'est-à-dire que l'État, peut-être via la Caisse de dépôt, aurait dû prendre des actions dans Rona, puis empêcher que le siège social ne déménage. C'est ce qu'il dit d'ailleurs clairement. Lui, il dit que le rôle de la Caisse de dépôt doit vraiment... c'est peut-être là que s'exprime d'ailleurs le plus son protectionnisme, entre guillemets, c'est par la Caisse de dépôt. Ben, on parle de ça un nationalisme aussi. Oui, un nationalisme, mais, oui. Mais c'est l'autre façon de dire les choses, c'est-à-dire que si on est pour le libre-échange, ben on est contre les politiques nationalistes, les politiques d'avantager les producteurs nationaux. Jusqu'à quel point ça peut avoir une portée à partir du moment où il dit ça maintenant à la Chambre de commerce? On est loin de campagne électorale et tout, on affine le discours probablement plus qu'autre chose. Ben, c'est-à-dire que ça peut, je sais pas, le libre marché joue un peu en politique aussi, c'est-à-dire que les autres politiciens, M. Legault, M. Couillard, peut-être, vont se sentir obligés au moins de se faire l'écho un peu de ça aussi pour ne pas être laissés pour compte. Si on se rend compte, en tout cas, que ça a un écho chez l'électorat, si on se rend compte que les Québécois sont sensibles à ces arguments-là, et c'est possible qu'ils le soient. Autrement dit, si Trump a marqué beaucoup de points avec ça aux États-Unis, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est possible que ça ait les mêmes effets au Québec et peut-être au Canada. Il faudra regarder les déclarations des candidats à la chefferie conservatrice. Je suis persuadé que certains d'entre eux vont adopter des discours un peu semblables. Sans doute, mais si tu parles la partie française, je pourrais même pas te relire ce qui a été dit parce que c'est un peu trop compliqué de comprendre ce que je voulais dire. Merci, merci Jean-Claude pour le cours et pour la leçon. C'était fort, fort, fort intéressant. Merci beaucoup. Alors oui, nous vous avons présenté La richesse des nations d'Adam Smith lui-même. J'aurais aimé en lire encore d'autres pans, mais je vous dirais que c'est un peu... ça reste un cours, entre guillemets, où on décortique l'économie presque de A à Z. C'est lisible, mais je suis pas certain que je vous dirais qu'il faut absolument le lire. Reste qu'aujourd'hui, il y a des livres d'économie qui s'écrivent avec beaucoup plus de souplesse, beaucoup plus d'accessibilité. Mais pour ceux qui disent « j'aime ça avoir lu, moi, pour savoir de quoi je parle », ben c'est peut-être là qu'il y a l'intérêt pour beaucoup, c'est de l'avoir lu au moins une fois dans sa vie. Et moi, je l'ai fait même deux fois. Coudonc, ben regarde, des fois. Alors, c'est dans la collection, et ça, je vous le recommande si vous voulez l'acheter, parce que c'est les livres qui ont changé le monde chez Flammarion. Pas cher, pas cher. Belle petite collection. Et ils ont retiré des segments qu'ils estimaient un peu superflus. Donc, ça rend encore là la digestion peut-être un peu plus facile. Alors, c'est déjà tout pour nous. L'émission Le Grain de Sable suit à l'instant. Bonne semaine. Merci de votre écoute. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à écouter en balado. À commenter aussi par Facebook. On est bien heureux de recevoir vos commentaires et questions. Merci et à samedi prochain. Merci Jean-Claude. Merci.